كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بصيام المسافر، وقرأنا الأحاديث من عمدة الأحكام، حديث عائشة، حديث أنس، وحديث أبي الدرداء، وكذلك حديث جابر بن عبد الله، وحديث آخر لأنس بن مالك رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين. فاستفدنا أن المسافر يجوز له الفطر، أي أن يترك الصيام. من يذكر دليلا على هذا أن المسافر يجوز له أن يترك الصيام؟ تفضل. في الحديث عائشة نعم النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فالصوم وإن شئت فالصيام. أحسنت. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فيجوز للمسافر أن يترك الصيام ويقضي. ما الدليل على القضاء؟ من يذكر من القرآن: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا، إيه وبغى إن شاء الله اليوم ما يتعلق بالمريض المرض، أو على سفر لفياجر فعدة من أيام أخر، أي أبخي رمضان يغطخط لجوخ كلا مانكي أكوز de son safar, de son voyage ou à cause de sa maladie. وهذا بالإجماع. On avait dit إجماع المسلمين نقله ابن قدامة في الجملة. Il y a des détails أن العلماء اختلفوا فيها، لكن في الجملة ils sont unanimes أن المسافر il a le droit de délaisser الصيام pendant son voyage. Est-ce que ça englobe السفر في غير طاعة الله؟ أي بعضهم أنبدي يسافرون ويعصون الله سبحانه وتعالى في سفرهم. لو سفر سنسفر معصية، فهل هؤلاء يدخلون في هذه الرخصة؟ نعم، فيدخلون في هذه الرخصة. ماذا؟ تفضل. نعم. Donc si ils font pas le الصيام فماذا؟ نعم يغطخب. لكن آثمون بما يتعلق بسفرهم. أما الإثم، ils ont des معاصي، des péchés par rapport à leur سفر، لأنه لا يجوز المعاصي، لا يجوز مخالفة القرآن والسنة. لكن ما يتعلق بالرخصة، بعض العلماء قالوا، ils ont dit أنهم ils doivent jeûner، ils n'ont pas le droit de délaisser le siyam en voyage. Pourquoi? Parce que c'est un voyage fil ma'asiyah. Et la facilité, c'est pour ceux qui ne font pas de ma'asi. هذا في نظر. Et on avait lu كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه il a démontré أن الله سبحانه وتعالى في الآية il n'a pas différencié entre les safars. قال عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. إيه السفر سانغلوب السفر، لا با دو ديفيرونس، أي من حيث الرخصة. فهذا واضح القول الصحيح. أما celui qui voyage et son qasd, son intention, c'est de délaisser As-Siyam, et il n'a aucune hajja, il n'a aucun besoin de voyager. Sa seule niya et son seul objectif, c'est de délaisser As-Siyam. Contrairement au cas précédent. Alors, objectif, ce n'est pas de délaisser As-Siyam. Il a prévu de voyager il y a longtemps, et ce voyage, ça coïncide avec Ramadan, et il y a des ma'asi. Dans ce cas-là, non, on ne peut pas dire qu'il n'a pas le droit de délaisser là. Bel, on dit l'inverse. Il peut délaisser le siyam, mais il délaisse le ma'asi. C'est ça le wajib alayhi. Amma hada, son qasd c'est de délaisser le siyam. Fama hada qulna? Hein, tfaddal? Est-ce qu'il peut faire siyam ou est-ce qu'il peut délaisser le siyam? Là, l'anna al-a'malu bin niyat, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sa niya est facide, son amal est facide. Et le fait de délaisser al-siyam, n'am, il est obligé de faire al-siyam. Et s'il est parti en voyage, il doit faire tawba et revenir. Et s'il ne revient pas, il doit faire al-siyam, où qu'il est, même s'il est parti très loin en voyage. N'am. Fahada, c'est un qawl tayyib. Ça, c'est une hila. Ça, c'est une ruse pour éviter Ramadan. Et ça, c'est haram. Amma la distance, on avait étudié ensemble la distance, et à partir de quel moment ce musulman, il est considéré voyageur, donc il peut délaisser As-Siyam, il a le choix. Ou, kadhalik, il peut rassembler les salawats, raccourcir les salawats, et un tafsil, est-ce que c'est obligatoire, amla? C'est un autre sujet. Al-Muhim, c'est quand qu'il est considéré voyageur? Na'am. On n'a pas de dalil, le Nabi sallam, il a montré peut-être on revient à l'urf. Vu qu'on n'a pas de dalil, واضح. أن النبي صلى الله عليه وسلم il a haddad, ou في القرآن, التحديد, c'est limité par une distance précise. ما عندنا هذا. On a اجتهادات بعض أهل العلم, أنهم ils ont limité à 80 km environ. Et القول الأقرب الأصح ما نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن المسألة الغمين وعرف أي ce qui est connu عند أهل البلد أنه سنسفر فسنسفر ce qui est connu chez les gens que c'est un voyage c'est un voyage et si c'est pas connu عندهم que cette distance c'est un voyage c'est pas un voyage هذا أقرب الأقوال. لأن, comme il a démontré chez l'Islam le Taïmiyya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était très court et il était considéré voyageur. Donc ça revient au urf. كذلك, on avait lu كلام Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Et on avait cité كذلك, c'est quoi l'afdal? C'est quoi le qui est préférable pour le voyageur? As-Siyam ou Al-Fitr? Ma huwa al-afdal? Si tu fais le voyage, ou si tu voyages, tu peux te poser cette question. Bien sûr, avec la capacité. Ama celui qui n'a pas la capacité, ça c'est wadih. Si tu as la capacité de faire As-Sawm, est-ce que c'est afdal As-Siyam ou Al-Fitr? Tafaddal? أفضل الصوم أفضل نعم ما الدليل الحديث أبي الدرداء حديث أبي الدرداء ما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة أحسنت ما فينا وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ça montre أن إن لم يشق عليك si c'est pas difficile bien sûr t'as la capacité فالأفضل c'est الصيام. Et بعض العلماء يقولون أن الأفضل c'est le fitr. أي tu prends الرخصة. لأن c'est une facilité et Allah subhanahu wa ta'ala il aime qu'on prenne ces facilités. لكن الأقرب c'est le قول الأول. كذلك on a des hadith et des ayats من القرآن الكريم عامة. فاستبقوا الخيرات. أي précipitez-vous à faire le bien. Et un siyam, ça fait partie du bien. Il y a un arôme, il t'arrive quelque chose, et t'atab pour rattraper une maladie ou autre, ou rubama t'es occupé. فالافضل مثل هذه الاجور, si tu peux les faire rapidement, l'afdal c'est de les faire rapidement. وسارعوا الى مغفره من ربكم قال عز وجل. سارعوا, et précipitez-vous. Donc ces preuves avec ما تقدم من الاحاديث, ça nous démontre que l'afdal c'est as-siyam. Et à la kulli hal, le voyageur il a le choix. Si il décide de ne pas faire as-siyam, il rattrape plus tard. Et l'amr il est wasi'. Et on a pris des autres masa'il muta'alliqa bi as-safar. S'il revient min as-safar en milieu de journée, mitl al-ahl, il revient, un voyageur, il revient dans notre ville et il n'est plus un voyageur. Lakin, il n'a pas fait siyam au départ, il a mangé sur la route, il est voyageur, il a le droit. Quand il arrive à la ville, sa ville de résidence, est-ce qu'il a le droit de manger et boire ou il doit s'abstenir? Hein? Non. Pourquoi? نعم الى غروب الشمس. نعم احسنت. اولا وقت الصيام, نعم c'est cette durée, et lui il n'avait pas l'intention كذلك, et il n'a pas commencé depuis le début. Et pourquoi on lui rendrait obligatoire une durée de siyam alors qu'il va le rattraper? Si on lui rend obligatoire, ça veut dire qu'il a un jour à rattraper qu'il n'a pas fait, plus il a fait مثلاً 6 heures de siyam en plus. بأي دليل هذا؟ أنا بد دليل على هذا. لكن بيان سور كثير من العلماء ينصحون أنه يمش با devant tout le monde, il boit pas devant tout le monde, ربما يتهم. Par exemple, un de tes voisins, il peut te voir manger ou boire dehors dans la rue et il peut ne pas comprendre ou ne pas savoir que tu as voyagé. ويتهمك في دينك وعرضك, et ça ouvre des abwab shar عليك وعلى غيرك. ففي هذا الحال, si il arrive dans sa ville de résidence, il mange, s'il mange chez lui, il boit chez lui, etc. Il y a une affaire à paraître, Rubama, tu dois te justifier, Rubama, tat'ab. Et le musulman, il évite هذا. هذا, c'est al-aqrab. Et on a vu des autres masa'il dans le dars, walillahi alhamd. Wal-yawm, on continue. Ma yata'allaq bi ahli al-a'dhar. Al-A'dhar, jam'u 'udr, c'est le pluriel de 'udr. Et al-'udr, c'est une excuse. Donc, ce chapitre, c'est la suite des personnes qui sont excusées de ne pas faire as-siyam. Le premier cas, on l'a vu, c'est le voyageur. On a commencé par le voyageur, liyanna al-hafiz Abd al-Ghani al-Maqdisi, rahmatullah alayhi, dans son kitab 'Umdat al-Ahkam, il a cité beaucoup de, ou plusieurs hadiths sur le safar. Donc, on a commencé par le musafir, thumma, on cite les gens, ou les catégories de personnes qui ont le même hukm que le musafir. Première catégorie, ou deuxième après le musafir, al-marid, le malade. Qala Allahu Azza wa Jal, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Donc, le voyageur, كذلك le malade, il rattrape les jours qu'ils ont manqués. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره المريض أو للمريض حالتان. Et ça c'est important. لأن تعلمون أن les maladies أو la maladie ça se تتفاوت. Il y a différentes maladies. Il y a des maladies qui sont graves, il y a des maladies qui sont moins graves. Il y a des choses, ça ne t'empêche en aucun cas de faire as-siyam, comme on va voir. Donc il y a un tafsil. Quand on dit al-marid, c'est al-marid qui ne peut pas faire as-siyam. Ou la maladie, elle lui rajoute. Ou la guérison, elle est retardée, comme on va voir. Qala al-imam al-qurtubi rahmatullah alayhi lil-marid halata. Donc il y a deux cas. Ihdahuma, la première, an la yutiq as-sawm bihal. فعليه الفطر واجب. Bien sûr, premier cas, La yutiq as-sawm biha. En aucun cas, il peut faire as-siyam. Une maladie très grave. Il y a des maladies, comme ta'lamoun, il est obligé de prendre certains médicaments. Il est obligé de boire. Il est obligé de manger. Comme certains diabétiques, un diabète grave, annahum, ils sont obligés. Ma yastati'un as-sawm. Rubbama la ya'kul sa'a, ou la yashrab, rubbama yata'ab. وربما يهلك ساتوتاندرا نيفو انه يهلك كما ففي هذا الحال لا يجوز له الصيام بحال ولا تقتلوا انفسكم قال عز وجل فبل وتفق جمل ولا ضرر لا ضرر ولا ضرار قال عليه الصلاه والسلام دونك هذا واضح الثاني دوزيام كا ان يقدر على الصوم بضرر ومشقه اي بو فير الصيام. Lakin, ça lui fait du mal et c'est difficile. C'est pas comme un muslim qui n'est pas malade. Un muslim qui n'est pas malade, le haqiqa, c'est très simple, surtout en hiver. Et en été, il y a une mashaqqa, surtout pour ceux qui font des efforts, qui travaillent ou autres. Lakin, c'est supportable, c'est pour ça que le muslim, il doit faire as-siyam. Amma hada la, c'est, il a des difficultés à cause de sa maladie. Lakin, il peut faire as-siyam. قال القرطبي رحمة الله عليه فهذا يستحب له الفطر هذا c'est mieux qu'il mange et qu'il boit et il fait pas siyam ولا يصوم إلا جاهل et il y a الجهال les ignorants qui vont faire siyam نعم لأنهم ils s'imposent au-dessus de leur capacité ربما ils sont fait du mal en pensant que se faire du mal c'est mieux alors que c'est pas على الإطلاق هذا et on a cité le hadith أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. Allah, il aime que les gens ils profitent des facilités qu'il leur a données. Donc, premier cas, il n'a pas le choix, il ne peut pas. Même s'il voudrait, il ne pourrait pas. Il ne fait pas le siyam. Deuxième cas, il peut, lakin, avec des difficultés, ça peut lui faire du mal. بقي ضابط المرض الذي يرخص فيه الفطر قد يقول قائل الآن quand est-ce qu'on peut savoir qu'un malade il peut faire siyam ام لا un ضابط comme une définition comme une chose qui nous permet de différencier entre les deux cas قال الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع قال أصحابنا أي الشافعية شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها. Donc c'est ça. Si c'est une maladie qui lui rend difficile à siyam, كذلك on a vu la parole de l'imam al-Qurtubi qui peut lui faire du mal. كذلك ça peut être une cause que la guérison elle est retardée. Tout ça, ça montre que il est considéré min ahl al-a'dhar. Il a une excuse, donc il fait pas siyam. Et bien sûr, il rattrape comme dans l'ayat. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Donc, on a ce dhabit. Al-mashaqqa, wa al-dharar, wa ta'khir al-ilaj. Al-ilaj, ça a la guérison plutôt. Tata'akhir. Qal wa amma al-marad al-yasir al-ladhi la yulhiquhu mashaqqa al-zahira. لم يجوز له الفطر بلا خلاف عندنا خلافا لأهل الظاهر. أما maladie, ça lui fait aucun mal par rapport au siyam. مثلا il a mal à un doigt de pied ou il a mal à une dent. فهذا, bien sûr, on parle pas s'il a besoin de médicaments, si le docteur lui dit, on parle pas nous de ça. Là, on parle de la maladie elle-même. أما si il a mal au pied et le docteur il lui conseille ou il lui montre qu'il doit boire telle chose, هذا شيء آخر. لكن نحن on parle que s'il a seulement هذا الشيء, ففي هذا الحال il n'a pas le droit de manger. لأن ce n'est pas une excuse. كما بين الإمام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه شرح رياض الصالحين قال أما المرض الذي يتأثر به الصيام كمرض العين أو لا يتأثر به الصيام كمرض العين اليسير ومرض السن اليسير وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز به الفطر. نعم مثلا واحد إلى مال عليه il est considéré malade. Obama, il peut plus travailler, Obama, il doit rester chez lui, il est considéré comme malade. Lakin, est-ce que c'est une maladie qui lui permet de ne pas faire siyam? Là, là, il y en a, il a de la force. Il peut faire siyam, pas fiyad al-hal. Là, il y a 12 ans, le fait. Donc, il faut bien différencier les deux cas. قال لأن الحكمة من الرخصة هي إزالة المشقة وهذا لا مشقة عليه إطلاقا. C'est ça le but. الرخصة, cette facilité, c'est pour t'enlever cette difficulté que tu ressens في الصيام. أما celui qui a mal à l'œil, qui fasse le صيام ou qui fasse pas le صيام, il aura mal à l'œil. Et le fait qu'il fasse le صيام, ça lui rajoute pas la difficulté d'avoir mal à l'œil. ففي هذا الحال il fait as-siyam wa la yajuz lahu al-fitr. Baqiya al-marid, ce malade qui est excusé de ne pas faire as-siyam, et il a le droit de manger, boire, etc. Il est malade, il est excusé. S'il fait as-siyam, s'il jeûne, est-ce que son siyam il est accepté? Qala al-imam Ibn Abd al-Barr, rahmatullah alayhi, fi al-tamhid, ijma'uhum. أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام أي سي سامبوز alors qu'il est excusé. لكن ça arrive هذا. Surtout ceux qui ignorent ces ahkam. خاصة بعض العوام à cause de leur ignorance ils pensent que t'es pas excusé. Tu dois faire le siyam dans tous les cas. هذا c'est un خطأ. فلهذا قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه لا يصوم إلا جاهل. لأن ça c'est أعمال الجهال لأنهم يكون إسباع الأحكام فالسي يسامبوز à lui-même de jeûner et il jeûne. قال الإمام عبد البر الإجماع l'unanimité أنه قال وأتم يومه. Bien sûr il finit la journée, il jeûne et il arrive à faire الصيام من الفجر إلى غروب الشمس. Donc il a jeûné la journée, il n'y a aucun problème في هذا. قال أن ذلك مجزئ عنه. نعم, son صيام il est valide, il est considéré avoir jeûné et il rattrape pas ce jour même s'il était malade. Fa qawlu Allah azza wa jalla faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra ay sila pas jeûné. Yana wahid il peut comprendre du verset celui qui est malade ou en voyage il doit rattraper le jour qu'il a jeûné ou qu'il a pas jeûné. La al ijma' an al murad min al aya c'est le voyageur il a pas jeûné et le malade il a pas jeûné. Amma celui qui jeûne façon siyam il est accepté. وفي الحقيقة يا خلاف يسير ابن حزم إلى خالف إلى ديك صيام إلى باكسبت. لكن قول عامة أهل العلم ابن عبد البر إلى رابورت الإجماع نحن نسيك ابن حزم إلى خالف أنه الصيام مجزئ عنه الصيام إلى أكسبت. إذا أصبح الصائم إذا أصبح هذا الرجل أو هذه المرأة يفون الصيام أي المطن يكمنص الصيام ثم يمرض ثم مثلا أميدي أبخد الظهر أو أبن الظهر يتم بلد إسكي بو أغيتي الصيام يتخفتي دولار رخصة. هذا لا شك فيه لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا. Il n'a pas mis un short, azzawajal, annahu, c'est obligé que tu commences avec la maladie. Mathalan, au départ, tu sais que tu es malade et tu peux délaisser la journée. Si tu commences, tu dois finir. Et si tu commences au siyam, tu dois finir. Là, ce n'est pas toi qui choisis. Tu es malade, tu es malade. Donc, tant que tu es malade, tu es considéré malade, tu as le droit de délaisser au siyam, même si c'est en pleine journée. Là, qui n'y rattrape? Pour que la journée elle soit valide, il faut obligatoirement commencer le siyam min tulu' al-fajr as-sadiq ila ghurub ash-shams jusqu'au coucher du soleil. Qala al-imam an-nawawi rahmatullah alayh idha asbaha as-sahih sa'iman thumma marida jaza lahu al-fitr bila khilaf. Na'am, naqala al-imam an-nawawi fi al-majmu' 'adam al-khilaf. Il n'y a pas de divergence fi hadha annahu yajuzu lahu an yatruk as-siyam en pleine journée et il rattrape. هذا ما يتعلق بالمريض. أما celui qui ne peut pas jeûner, qui ne peut pas rattraper أقصد, فهذا il n'a pas à rattraper. لا يكلف الله نفسا illa wus'aha. Enfin, rattraper, c'est pour celui qui a la capacité ba'd. Amma celui qui peut pas, marad la yurja bur'u, il espère pas, il peut pas, il n'y a pas de ilage pour sa maladie, un ilage connu. Fi hadha al-hal la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Si il jeûne, aussi il nourrit un pauvre pour chaque jour, il a la capacité, c'est afwal, c'est ahsan. S'il nourrit un jour, un pauvre par jour, comme on va voir dans Al-Fidya, par rapport à Al-Ajouz ou à Al-Sheikh Al-Kabir. Donc, c'est la première catégorie des personnes excusées, le malade. Deuxième catégorie, Al-Ajiz, An-Siyam. Celui qui n'a pas la capacité de faire Al-Siyam. Ka-Sheikh Al-Kabir ou Al-Ajouz, les vieilles personnes. Un âge avancé, Fala Yutiqan As-Siyam. Ils n'ont plus la capacité de faire Al-Siyam. Et ça, c'est ma'rouf inda An-Nas Al-Kibar, Kibar Al-Sin. Naqala ghayru wahid min al-ulama al-ijma' ala anna lahuma al-fitr. Beaucoup d'imams, ils ont rapporté l'unanimité des savants, annahum, ils n'ont pas à faire al-siyam. La shaka hada. Ba'dhum, même s'ils voudraient, ils peuvent plus. Fala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ibn al-Mundhir rahmatullah alayhi yaqul ajma' al-ulama ala anna al-shaykh al-kabir هو العجوز العاجزين bien sûr avec هذا القيد. أما si une personne d'un âge avancé elle rencontre aucune difficulté في الصيام فتصوم. Bien sûr الرخصة هنا والعذر c'est ceux qui peuvent pas. Tu trouves بعض كبار السن un âge très avancé ويصومون بسهولة surtout en hiver. En été, il y a ta'aboun akthar. Enfin, ça dépend de la capacité. Falihada qala Ibn al-Mundhir, al-ajizayn. Al-ajizayn, ça vient de al-ajz, ay, l'incapacité. An-is-sawm an-yuftira. Hada al-kalam min al-ishraf, Ibn al-Mundhir. Kadhalik Ibn Abdelbar, wa l'imam al-Qurtubi, wa hakadha al-Nawawi, rahimahumullahu jami'an, ils ont rapporté l'unanimité. بقي ماذا عليه اي celui qui peut pas faire الصيام فماذا عليه est-ce qu'il rattrape il peut pas rattraper il y en a c'est des personnes qui ont un âge très avancé ils peuvent plus faire الصيام ils ont plus la force s'il peut pas cette année il pourra pas l'année prochaine etc donc ماذا عليه rattraper il peut pas. Baqiya, est-ce qu'il doit nourrir des pauvres amla? Fil mas'ala qawlan li ahl al-'ilm. Dans ce sujet, il y a un khilaf. Il y a un khilaf dans l'obligation. Est-ce que c'est obligatoire de nourrir un pauvre pour chaque jour ou c'est recommandé? Al-'ulama ikhtalafu fi hadha. Al-qawl al-awwal يقولون يلزمهم أو يلزمهم نعم الفدية أي إطعام عن كل يوم مسكينا. Donc il doit nourrir si il jeûne pas, il n'arrive plus à jeûner, il jeûne pas les 30 jours, il nourrit 30 pauvres. Un pauvre pour chaque jour. وهذا قول جمهور العلماء. Ça c'est l'avis de la plupart des savants. منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وكذلك إسحاق عليهم رحمة الله. هؤلاء ils ont choisi que c'est obligatoire. Et plusieurs sahaba ils ont choisi cet avis que c'est obligatoire. كأنس رضي الله عنه الأثر عن أنس أخرجه عبد الرزاق والإمام الدارقطني إلى صحيح صح عن أنس رضي الله عنه كسي أوبليغاتوار كذلك عن ابن عباس ستعبير مشهور عن ابن عباس كما في صحيح البخاري وهكذا أثر قيس بن السائب رضي الله عنه أخرجه الدارقطني والبيهقي الإسناد لحسن فثبت عن قيس بن السائب وهكذا عن أبي هريرة ثبت أخرجه البيهقي بإسناد صحيح donc cet avis c'est l'avis de la plupart des savants et de ses compagnons ils ont choisi cet avis Anas وابن عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة حجة هذا القول ils ont pris comme دليل قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقون et dans une qira'a يطوقون من سورة البقرة ils ont choisi ce دليل هذه القراءه ابن عباس رضي الله عنه الى basé son avis sur ce verset وعلى الذين يطوقون dans une riwaya فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنه ليست منسوخه لان vous allez voir ان الدليل ils ont choisi le même دليل les deux avis لكن بعض العلماء ils ont dit ان ce verset il est منسوخ il a été abrogé اي c'était au départ ce verset au départ quand Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé الصيام tu avais le choix imma tu fais الصيام imma tu nourris des pauvres Tu avais le choix, même si tu n'étais pas malade, même si tu n'étais pas un voyageur. Tu choisis, imma som, imma tu nourris des pauvres. Thumma, هذه الآية نسخت. بقول الله عز وجل, فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Celui qui peut jeûner, فمن شهد منكم الشهر, et qui assiste, qui voit al-hilal, il doit jeûner. Allah subhanahu wa ta'ala nasakha هذه الآية, بتلك. أي, Tu ne peux plus nourrir des pauvres. Tu es obligé de jeûner. Qawl ibn Abbas, leur délit, annahum ce verset, tu n'as plus le choix. Lakin, si tu ne peux pas jeûner, tu reviens à la base, que tu peux nourrir un pauvre. Donc, tu nourris un pauvre à indahum. Mafhoum. Qala ibn Abbas, radiyallahu anhu, laysat mansoukha. Amma ibn Abbas, il pense, son avis, c'était qu'elle n'était pas mansoukha. Elle n'a pas été abrogée. قال هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. Pour Ibn Abbas, نعم. أما le fait de choisir, ça c'est واضح. Tu peux plus choisir. لكن le حكم il reste pour les personnes âgées. Tu peux pas jeûner, tu nourris un pauvre. لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. الأثر il est عند الإمام البخاري dans son صحيح. Donc c'est l'avis de Ibn Abbas et de la plupart des savants. استدلوا كذلك بفعل الصحابة. Les savants qui ont choisi cet avis, كذلك. Ils ont démontré à Ibn Abbas, أن Anas, أن Abu Huraira, Qais. Ils ont choisi cet avis, donc ils se sont basés sur leur fi'l et ils ont dit que c'était obligatoire. Cet avis, مرجحه الإمام ابن قدامة كذلك من الحنابلة. والإمام النووي من الشافعية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير ومن المعاصرين الإمام الألباني إلى شوزي هذا القول كذلك الإمام ابن باز وكذلك الإمام ابن العثيمين والإمام مقبل ابن هادي كذلك les quatre grands savants de notre époque ils ont choisi cet avis que c'est obligatoire et de nourrir un pauvre pour chaque jour manqué pour les personnes qui n'ont pas la capacité de jeûner et de rattraper. Al-Fidya. Deuxième qawl. C'est pas obligatoire, Al-Fidya. La yalzamhuma Al-Fidya. Ça veut pas dire qu'ils disent de ne pas nourrir un pauvre. La indahum, c'est pas obligatoire. Et s'il le fait, c'est afdal. Hada al-qawl, c'est qawl l'imam Malik. رحمة الله عليه وكذلك الثوري وأبي ثور وقول عن الشافعي الشافعي لان دوزيام قول أنه سيبا أوبليغاتوار Et min a'immat al-tabi'in, qu'ils ont choisi hadha al-qawl, al-Qasim ibn Muhammad, wa Makhoul wa Rabi'a, wa Sa'id ibn Abd al-Aziz, wa ghayruhum. Et parmi les imams qu'ils ont choisi ce qawl, كذلك الإمام ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم عليهم رحمة الله جميعا. Donc vous apercevez que الخلاف il est قوي بين أهل العلم. Surtout quand on va lire الآن حجة هذا القول. دليلهم leur دليل أولا c'est que الآية لمنسوخة. Le verset il a été abrogé. وعلى الذين يطيقون et dans une قراءة يطوقون فدية طعام مسكين. والدليل أن ce verset il a été abrogé حديث أو أثر سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت التي بعدها فنسختها. Au départ, celui qui voulait ne pas faire le siyam, il voulait manger, boire, etc., il devait nourrir un pauvre pour chaque jour. ثم نسخت كما يقول سلمة بن الأكوع, c'est un sahabi. فنسختها أي التي بعدها, le verset qui vient juste après. أي قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه, c'est un amr de faire le siyam. Donc pour eux, ils ont dit que le verset il est abrogé. نعم. Ce athar il est fait sahihi. Rawah al-Bukhari wa Muslim. كذلك صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ce verset il est abrogé. النسخ صح عن ابن عمر كما في صحيح البخاري. قال الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في الاستذكار. الإمام ابن عبد البر سمن أئمة المالكية رحمة الله عليه. لكن il suit الدليل. Il fait des efforts. Il a fait beaucoup d'efforts رحمة الله عليه pour suivre الدليل. Quand on dit أن ابن عبد البر سمن أئمة المالكية والنووي سمن أئمة الشافعية وابن قدامة سمن أئمة الحنابلة لا تظن أنهم ils sont comme المتعصب الآن qui suivent aveuglément al-madhahib et ils connaissent pas al-hujja. Abadan, ha'oula c'est a'immat al-islam. Walaw, ils suivaient un madhab, dans certains cas ils ont délaissé al-madhab pour suivre al-hujja. Lakin, vu qu'ils ont étudié al-fiqh avec une école précise, avec des livres précis, on dit ils font partie de telle école. Wa illa, kathir minhum, et t'as beaucoup d'exemples, annahum yikhalif al-madhab quand il voyait le hujja avec un autre imam. وهكذا يكون السني يكون مع الحق أينما كان ولا يتعصب. T'étudies chez un sheikh ou dans une école, tout ce qui vient de ce sheikh ou de cette école c'est forcément la vérité. هذا c'est باطل. العصمة c'est لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا لغيره كما قال مالك رحمة الله عليه بل ثبت عن ابن عباس مرفوعا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأثر مالك بن أنس الإمام إلا صاحب هذا القبر. نعم. وهكذا الأئمة أمم إذا منتخي أنهم سيلخ قول خالف الحجة تغبين الحجة دليل. ورحمة الله على الإمام الألباني dans son célèbre livre صفة الصلاة في المقدمة il a cité les paroles des quatre imams qui démontrent أن سيلحق il est avec un autre même si ça خالف leur madhab tu reviens au haqq. هذا c'est un tanbih muhim. بعض الناس ربما ils entendent dans des durus fulan min al-a'ima sa maliki ou sa shafi'i ils comprennent plus. لا المنهي عن التعصب لا الدراسة. اما étudier un madhab ou t'as étudié chez un shir, هذا c'est permis tant qu'il fait partie de ahl sunnah. لكن التعصب penser qu'il a toujours raison et rejeter le haq parce que ce haq il n'est pas vers ce sheikh ou vers cette école, هذا c'est التعصب التحزب الضلال c'est هذا. فنحن ولله الحمد on étudie, on essaye de chercher al-dalil, de trouver al-dalil. Kadhalik, on ne comprend pas de hadha al-kalam, anna tu prends le haq et tu cherches le haq plutôt. Tu recherches le haq de n'importe qui. Même عند ahl al-bida. Kama yaqul ba'd al-dullal, annahu faut pas ta'assub, fa tu dois rester ouvert et tu prends le haq de n'importe qui. Là, tu recherches le haq illa عند ahl al-haq. Amma accepter le haq de n'importe qui, ça c'est wadih. Un juif, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il existe, on ne va pas dire c'est un menteur. Dans ce point, on va dire, non. Sadaqaka wa huwa kadhoub, comme le hadith Abu Huraira. Hatta shaytan, quand il a démontré à Abu Huraira, al-qissa, quand il venait tous les soirs voler ma'rouf, et la dernière fois que Abu Huraira, il l'a arrêté, shaytan, il lui a dit, je vais t'apprendre une chose, si tu l'as dit tous les soirs, aucun shaytan ne peut t'approcher, et il lui a récité ayat al-kursi. Abu Huraira, il a cité au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui s'est passé, au nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala la, sadaqaka wa huwa kadhoub. Et il a dit la vérité et c'est un menteur. Ça te montre qu'un al-haq, si il vient, même d'un menteur, tu l'acceptes. Lakin, le rechercher, c'est différent. Fafarriqo. Tu dois bien différencier les deux cas. Ça ne veut pas dire que tu dois aller chercher le haq inda ahl al-batil. Est-ce que Abu Huraira, il est parti inda shaytan lui demander? Abadan. C'est shaytan qui est venu, l'histoire, il l'a arrêté, il volait. Thumma, il lui a cité hada. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre qu'Abu Huraira, fil haqiqa, il a pris le hukm inda al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a confirmé. Amma, ouvrir les portes sous prétexte qu'il faut être ouvert, prendre le haq et le prendre inda ahl al-batil, ça c'est bab al-dhalal wal-inhiraf. C'est pour ça que salaf, ils interdisaient de prendre al-ilm inda ahl al-bida wal-dhalal. Donc, nahnu, on prend le haq et on recherche le haq inda ahl al-haq. Léana, si tu réfléchis bien, le haq que certains munharif ils ont, tu le trouveras عند أهل السنة, عند أهل الحق. Donc pourquoi aller le chercher عند المبتدع الضلال? Rajoute avec cela les shubha. Il va te donner un haq avec son shubha. Hada c'est muhim. Ibn Abd al-Barr, c'est un imam kabir fi sunna, rahmatullah alayhi. Qala, par rapport à notre mas'ala, والصحيح في النظر والله أعلم. Et ça montre l'adab. تأملوا, profitez de أقوال أهل العلم. Ibn Abd al-Barr, il sait très bien que cette mas'ala, il y a un khilaf kabir depuis l'époque des sahaba jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à son époque qu'il y avait un khilaf كذلك. C'est pour ça qu'il dit والصحيح. Et c'est son choix. Et il va démontrer pourquoi il a dit sahih. C'est pas fondé sur l'ignorance. Ba'dhum, ils disent c'est la vie le plus juste si tu lui demandes pourquoi, il sait pas pourquoi. C'est la vie le plus juste parce que la plupart des gens ils le font. Faqat. Ah, ou c'est la vie le plus juste parce que Shir un tel il a dit. Ça c'est pas min al-ilm fi shay. Amma huwa yaqul wa as-sahih fi an-nazar wallahu a'lam. Et ça c'est muhim pour talabat al-ilm. Anna, quand tu parles de ces masail, t'as un adab. Léanna, ceux qui ont choisi l'autre qawl, c'est des ulama a'imma. Et ils ont des adilla qawiyya. Donc, da'iman, tu te comportes et tu pèses tes mots. As-sahih, wallahu a'lam. Ce que j'ai compris, wallahu a'lam, que c'est le plus proche du haq, et tafaddal, tant que c'est fondé sur l'ilm. Qala, qawl man qal, inna al-fidyata ghayr wajiba. Aïe, Ibn Abd al-Barr, il a choisi la vie, c'est pas obligatoire. Pourquoi? Qala ala man la yutiq as-siyam. Donc, ça englobe, wallahu a'lam, même le malade qu'on avait cité. Le malade, il a une maladie, il peut pas. Aïe, une maladie, c'est pas temporaire. Il est toujours malade. Et les médecins, ils lui annoncent, wallahu a'lam, al-amr ila biyadillah. Lakin, il lui démontre qu'il peut plus faire as-siyam. Et cette maladie, elle est très dangereuse. Fafiyad al-hal, est-ce qu'il nourrit un pauvre ou pas? C'est la même mas'ala que la personne âgée. Qala, li'anna Allah ta'ala lam yujib al-siyam ala man la yutiqo. Premièrement, le siyam, pour celui qui n'a pas la capacité, c'est pas obligatoire. Vous vous rappelez, contrairement au verset, celui qui nourrit un pauvre, fal-haqiqa, le siyam, c'était obligatoire pour lui. Vous vous rappelez au départ, quand tu avais le choix, avant que le verset il ait abrogé, le siyam c'est obligatoire, si tu veux pas faire le siyam, tu dois nourrir un pauvre. Pourquoi? Parce que le siyam, il est obligatoire. Ibn Abdul Barr, rahmatullah alayhi, il démontre que pour ce malade ou pour cette vieille personne, le siyam, il n'est pas obligatoire. Pourquoi dire nourrir le pauvre, c'est obligatoire? C'est différent, en fait. C'est un qawl qawi. قال والعاجز عن الصوم كالعاجز عن القيام في الصلاة وكالأعمى العاجز عن النظر لا يكلفه قول كذلك طيب ابن عبد البر il te montre كذلك celui qui peut pas faire salat debout qu'est-ce qu'il doit faire il fait salat assis فإن لم يستطع فعلى جنب قال النبي صلى الله عليه وسلم s'il peut pas assis il s'allonge لأن الله سبحانه وتعالى il n'impose pas quelqu'un au-dessus de sa capacité فمثل هذا الآن sa capacité il peut pas jeûner. Pourquoi lui imposer une chose dont, à la base, il n'a pas la capacité et il le jeûne. قال وأما الفدية فلم تجب بكتاب مجتمع على تأويله ولا سنة. نعم. يفهمها من تجب الحجة بفقه أو يفقهها من تجب الحجة بفقه ولا إجماع في ذلك عن الصحابة. Ibn Abd al-Barr, il montre qu'il n'y a pas de dalil wadih que c'est obligatoire de nourrir un pauvre. Sauf bien sûr les preuves qu'ils ont pris le premier qawl en se basant sur le verset. Fait al-haqiqa, c'est la compréhension du verset. Un dalil wadih qui dit c'est obligatoire de nourrir un pauvre, min al-Qur'an ou min al-Sunnah, il n'y a pas. Kada, les compagnons qu'ils ont cités, c'est certains compagnons. Al-Hujja, c'est ijma' al-Sahaba. L'unanimité des compagnons, na'am, c'est une preuve. Tu n'as pas le droit de contredire l'unanimité des compagnons. Amma, les avis de certains compagnons, tu trouveras d'autres compagnons qui ont un autre avis. Donc, fi hadha al-hal, tu reviens à l'hujja. قال وعلى ولا عمن بعدهم كذلك. Ceux qui sont venus après, il n'y avait pas de ijma. والفرائض لا تجب إلا من هذه الوجوه إلا من هذه الوجوه والذمة بريئة. Et ça, c'est un qawl tayyib. Il te montre à la fin que les obligations, rendre une chose obligatoire, tu es obligé d'avoir un dalil min al-Qur'an, ou min al-Sunnah, ou ijma', unanimité. Si tu as passé trois, tu ne peux pas dire que c'est obligatoire, wallahu a'lam. Donc tu restes sur al-asl. La base, c'est que ce n'est pas obligatoire. Qad yaqul qa'il, pourquoi vous dites que c'est recommandé? Li anna ba'd as-sahaba, ils l'ont fait, wa radiyallahu anhum, kadhalik. Le dalil qui a été abrogé, annahum, il le faisait. Enfin, celui qui le fait, min hadha al-bab, insha'Allah ta'ala, c'est du khayr. Amma, le rendre obligatoire, fakama taqaddam. Ala kulli hal, les deux avis sont qawi. Al-qawlan qawiyan. Famen istata', celui qui peut nourrir un pauvre pour chaque jour, fatayyib. Fatayyib, c'est afdal. Amma, al-qawl bil-wujub, فالظاهر سك قول ابن عبد البر رحمة الله عليه سان قول قوي. أما celui qui peut pas, tu trouves des personnes âgées et ils ont pas d'argent, c'est des pauvres. فهذا واضح أنهم ils ont pas la capacité de jeûner, ils ont pas la capacité de nourrir des pauvres. فهؤلاء ils sont excusés على كل حال. أما مقدار الفدية تقدم معنا. C'est la même mas'ala que fi kaffarat al-mujami' li ahlih fi nahar Ramadan. Celui qui a eu des rapports avec sa femme fi nahar Ramadan, on avait vu qu'il devait imma affranchir un esclave s'il ne peut pas jeûner deux mois consécutifs, s'il ne peut pas nourrir 60 pauvres. Et on avait vu un taqdir hadhi al-fidya, c'était quoi? Et il devait donner quoi à ces pauvres? Quelle quantité? Ahsant, al-sahih, ça revient au urf. Il y en a بعض العلماء, ils ont dit mud. بعضهم, ils ont dit un sa' min tamr. Mud, c'est les deux mains jointes. Al-sa', c'est quatre fois les deux mains jointes. فهذا, بعض العلماء, ils ont cité ces quantités. والصحيح, كما بينا الشيخ المعتمين في كفارة celui qui a des rapports avec sa femme pendant la journée de Ramadan, alors qu'il doit faire le siyam, al-sahih, c'est que ça revient au urf. Aïe, il nourrit un pauvre hatta yashba. Donc, 30 pauvres. 30 pauvres, chaque jour, un pauvre. Et il nourrit ce pauvre hatta yashba. Ja an Anas, radiyallahu anhu, annahu kana dha'ufa qabla mawtih, bi'ama ou amayn. Anas ibn Malik, Ta'lamoun anna, c'est un des derniers sahabi à être resté en vie. Et c'est un des derniers sahabi qui est resté. Et un an ou deux ans avant sa mort, il avait dépassé les 100 ans, radiyallahu anhu. Il avait faibli, il ne pouvait plus faire le siyam. Fa'at'ama al-khubz wal-lahm. Donc il donnait du pain et de la viande. Rahmatullah alayhi, radiyallahu anhu. Donc, ça montre qu'il donne hatta yashba'. Al-hamil wal-murdi'. Donc, on va voir une autre catégorie de personnes excusées, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. On va voir كذلك les femmes al-ha'idh wal-nufasa. Et كذلك celui qui a perdu la raison, il est excusé. L'enfant, et on l'a vu au début de nos durus dans les conditions, et al-mujahid fi sabilillah كذلك, il peut délaisser le jeûne et il rattrape hatta yataqawwa. Liana, il a besoin de force fi hadha al-hal. Subhanak Allahumma hamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.